Chapitre 101. Étrange tatouage. Totov 76, lui, dit que le football le dégoûtait. Il savait que tout était manipulé par des personnes peu scrupuleuses. Il était orchestré à la lettre. Rien ne lui dit que ce soir, face à l'Ajax, il n'y avait pas d'arrangement. Il soupçonne même que les derniers records de Fightson étaient l'objet de plusieurs paris arrangés. Un an après avoir quitté le ballon rond, il a enquêté et connaît des choses pouvant faire trembler la terre entière. Des exemples? Totov 76 en a plein dans tous les pays de football. Presque tous les matchs qu'il a visionnés, il a observé des signes étranges, et après s'être renseigné, toutes les personnes ayant un certain tatouage sur le bras gauche sont dans le coup. Ce symbole est le nombre 166. Il a pu voir ceci, par exemple, sur le gardien de but russe, et notamment lors de la rencontre face à la France. Il y a notamment explosé Fightson, mais a surtout fait ce qu'on appelle une arconada quelques minutes plus tard. Lors de ce même mondial, beaucoup de joueurs indiens avaient ce chiffre tatoué, et ceci explique les rencontres curieuses pendant le mondial 2050. Un match nul contre une modeste équipe d'Argentine, un match fou contre la Chine, où il menait très largement avant d'être remonté à 4-4. Le match record des Bleus face à Jersey, remporté 13-0, n'était qu'une vaste mascarade. Lorsque les YNW à Reds étaient menés contre le Bayern Commundor 3-0 avant de s'imposer 4-3, 5 joueurs du Bayern n'avaient ce 166. Sans raconter toutes les rencontres mystérieuses lors du tournoi Destination 2053. Le football n'est qu'une orchestration de clans 166. Romain est subjugué par les propos de Totov 76. Il ne peut pas y croire, mais tout ce qu'il dit est crédible. Justement, dans le café, nous suivons en direct la finale de la Ligue des champions des franchises asiatiques entre les YNW à Reds de la Japan Masters League et l'Intal Blaugrana Club de Chinese Power League. Le tatouage est présent sur le bras de 3 Reds et de 4 Blaugrana. Après avoir mené 1-0 durant 88 minutes, les Reds s'inclinent 2-1 avec 2 grosses bévues de 2 joueurs portant ce fameux signe. Est-ce nécessaire de continuer de prouver la véracité des propos de Totov 76? Pour la rencontre de Benelux League, il n'a pas vu le nombre 166, mais a quelques soupçons. Dans des clubs non franchisés, certains joueurs évoluent avec des tuniques à manches longues. Il est de plus en plus difficile de déceler cela. Romain demande à Totov 76 ce qu'il va faire. Il peut ébranler le football entier, faire tomber certaines franchises. L'ancien capitaine des Bleus coupe son interlocuteur et lui dit qu'il y a même mieux. Il peut dissoudre la eSports Fédération entière, puisque les bookmakers de ce plan 66 sont leurs salariés. Ils font même partie des plus hautes sphères du géant du sport mondial. Il a une petite bombe entre les mains et pense la faire exploser la veille de l'ouverture des EA Games, le 12 janvier 2055. Il va sortir toutes ses révélations dans un e-book et va créer un buzz tellement énorme que les Jeux Olympiques version EA ne pourront pas avoir lieu. Chapitre 102. La menace plane. À peine la discussion terminée, Totov 76 a un appel visio de sa femme. Elle lui dit que leur maison est saccagée, que rien n'a été volé, mais qu'ils ont fouillé partout. Le nouveau politicien sait que ses visiteurs cherchaient ce qu'il a écrit sur le plan 166. À l'heure où tout le monde utilise le cloud, Totov 76 a repris les bonnes vieilles méthodes. Non, il n'a pas inscrit ceci sur une clé USB, ni sur un CD-ROM. Totov 76 a ressorti une vieille disquette 8 pouces. Seuls les anciens ordinateurs peuvent lire ce qu'il a écrit, et comme il en a plein à la maison, les voleurs ne pourront pas savoir laquelle est porteuse de l'information qui fâche. Romain dit qu'ils n'auront qu'à toutes les détruire. Totov 76 sort son petit bijou de sa poche et indique que c'est pour cela qu'il l'a toujours sur lui. Le Normand est victime d'intimidation depuis qu'il a tapé le nombre 166 sur un moteur de recherche. Ils savent qu'il sait. Romain doit repartir en France voir sa famille. Totov 76 lui propose de l'emmener en voiture dans sa célèbre Ladjeraji F-70. Arrivé à la frontière française, Romain fait remarquer qu'il est suivi par un Homer, version 2045. celle-ci est de plus en plus proche d'eux. Est-ce que cela fait partie du plan d'intimidation? Ni une ni deux, Totov 76 appuie sur le champignon pour semer son poursuivant. Après quelques 45 minutes, les deux voitures ne suivent plus le même chemin. Ce fut une grosse frayeur pour nos deux Français. Mais Totov 76 informe Romain que, comme il est au courant de tout cela, à partir d'aujourd'hui, sa vie va changer. Ils ont les oreilles partout et savent qu'il sait. Il doit prendre soin de lui et ne pas se mêler de cette histoire. Romain est un peu excédé car il n'avait rien demandé et c'est Totov 76 qui le met dans cette situation délicate. Mais il aime le football et le sport en général. Il ne peut pas laisser ses malhonnêtes manipuler tout cela. Si Totov 76 a besoin d'un coéquipier pour faire exploser la eSports Fédération, il peut compter sur lui. Pour faire rire son ami, il lui dit que Totov 76 sera Batman et lui Robin. Arrivé en Normandie, sain et sauf, Totov 76 propose à son nouveau compère de venir dormir chez eux. Il pourra l'aider à tout ranger suite à l'intrusion. Une nouvelle et belle amitié s'est créée le soir de la victoire de Mouscron en Benelux League. Un duo de choc prêt à dénoncer le plan 166. Au programme de la soirée, rangement, puis analyse des derniers matchs afin de déceler d'autres faits du tatouage. Bien évidemment, la femme de Totov 76 n'est pas au courant de tout cela, et ça sera même dangereux pour elle. Pour faire taire le Normand, tous les coups pourraient être permis, même le pire. La soirée se passe tranquillement. Les anti-166 ont trouvé trois nouveaux faits d'armes à ajouter au dossier. A2.166, le football est scénarisé, il n'y a plus aucun doute pour Romain. Lui qui était prêt à vivre une année 2055 magistrale par une participation au EA Games, va sacrifier son rêve d'enfant pour sauver l'intégrité du sport. Puisque les EA Games sont les nouveaux Jeux Olympiques, il ne faudra pas décevoir le baron Pierre de Coubertin. Le plan 166 a 29 jours pour se mettre en place et être parfait, au nom du sport. Chapitre 103. Une fête à gâcher. Après quelques semaines d'investigation, tous les soupçons mènent vers le même endroit, à la même personne, le patron de la eSports Fédération. Le tatouage 166 est également remarqué lors des rencontres de football américain, de basketball et même pendant des courses hippiques. Le sport entier est manipulé par les paris sportifs. Les prochains EA Games sont la vitrine idéale pour arranger les rencontres et façonner les champions voulus. La liste des participants est encore secrète, mais il ne fait aucun doute que la plupart des futurs héros feront partie de la 166 compagnie. 10 nations vont tenter d'être sur le territoire élu. Vont s'affronter les États-Unis, la France, la Belgique, l'Inde, le Japon, la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Brésil et l'Union des pays africains. Cette dernière sélection sera composée des plus grands talents du continent africain. Chaque équipe sera sponsorisée par un équipementier, plus ou moins lié avec le pays engagé. La France, par exemple, sera suivie par le Coq du Sport, l'Allemagne par les Adidas, l'Italie par Coppa, les États-Unis par Nike. Africa United a réussi à décrocher l'aide d'Ambro. Autre spécifié de sponsor, une épreuve automobile aura lieu et les plus grands constructeurs sont venus prêter main forte aux membres des EA Games. La France a mobilisé Bugatti et Peugeot, l'Allemagne roulera en Andy et Gompert, l'Italie conduira les célèbres Gerari, le Japon prendra le volant de Mitsubishi, Toyota, Nissan et Mazda. L'Afrique, quant à elle, a décroché l'aide des constructeurs britanniques Jaguar, Aston Martin et encore McLaren. Africa United a réussi à prospecter les plus grands pour faire briller le continent trop mis à l'écart ces derniers temps. Une cible facile pour les parieurs. Le rêve africain est de s'imposer dans les sports proposés lors des EA Games, mais Totov 76 et Romanon joueront les troubles faits. Le but est de faire tomber le géant en e-sport. Toutes les préparations, tous les efforts, tous les entraînements ne serviront à rien, puisque les deux enquêteurs français ont dans leurs mains la disquette de la discorde. Nous sommes le 2 janvier 2055. Il reste 10 jours pour tout mettre en scène et effectuer le buzz du siècle. Le 12 janvier prochain, un titan va tomber, le plus grand événement sportif de l'ère moderne. Les EA Games doivent s'ouvrir le 13 janvier avec un premier mois de football américain. Puis février sera le théâtre de sports de combat, de golf et de tennis moderne. Cette dernière épreuve a remplacé le sport de tir Crisis initialement prévu. Les moteurs vont ronronner en mars avec l'épreuve de course automobile. Les athlètes joueront au basket en avril, au hockey sur glace en mai, avant de fermer la marche en juin, avec le sport dominant de la planète en 2055, le football. La nation qui aura comptabilisé le plus de points lors des EA Games sera couronnée nation maître du grand spectacle en perspective. Un show que veulent gâcher les deux Français, car tout est déjà écrit par la EA Sports Fédération. Cependant, les hautes autorités semblent être au courant et font tout pour intimider Totov 76 et Ron Amon, cambriolage, course-poursuite et le pire reste à venir. Sortis dans un bar dans les rues du Havre, les deux nouveaux amis apprennent une atroce nouvelle. Totov 76 a reçu un appel de sa femme. Elle est en mauvaise posture. Elle est aux mains d'un groupe de trois personnes cagoulées qui ne veulent qu'une chose, la disquette de Totov 76. Chapitre 104, fin du combat. Totov 76 et Romain sont confrontés à un dilemme. Vont-ils sacrifier leur révélation pour retrouver la femme du maire Beauchervillais? Mais ce dernier n'hésite pas. Il agit même un peu trop facilement. Il donne rendez-vous immédiatement aux rafisseurs près de l'abbaye Saint-Georges pour leur donner la disquette. Romain ne comprend pas pourquoi il cède aussi facilement. Il lui répond que sa priorité reste sa femme. Elle vaut bien plus que les Yeh Games. Romano semble déçu d'avoir travaillé autant pour lâcher aussi facilement. Nous sommes le 3 janvier. Il reste 9 jours avant le J-1 des Yeh Games. Mais Totov Hack est prêt à tout laisser tomber. Les billets d'avion étaient déjà prêts pour le domicile de la compétition. À l'occasion, la EA Sports Fédération a fait un énorme coup. Occuper l'île de Pâques. Le territoire chilien est actuellement habité exclusivement d'hôtels, de 10 centres d'entraînement et 6 stades gigantesques. Angaroa, la capitale de l'île, sera le centre de tous les intérêts. Hasard ou non, la fédération a privatisé la totalité de la région Pascuane, grande de 166 km². 166. Les Yeh Games 2055 n'auront aucune ombre au tableau. Totov 76 jette donc ses plans à l'eau et va laisser les amoureux de sport dans le faux en livrant sa seule preuve aux autorités de la Yeh Sports Fédération. La vie de sa femme vaut beaucoup plus que cela. Romain est étonné de la facilité d'abandon de celui qui a vu grandir l'équipe de France durant 3 ans dans toutes les périodes. L'amateurisme, le mondial, l'après-mars 2050, le fiasco et surtout la victoire du tournoi Destination. Le geste de Totov 76 cache-t-il quelque chose? En attendant, les deux Français sont sur le lieu de rendez-vous où ils trouvent le homer croisé il y a quelques jours. 2 hommes cagoulés sont présents. L'un tient la femme du politicien. L'autre est missionné pour converser et échanger. Il a un petit accent d'Europe de l'Est et demande immédiatement la disquette. Ils sont tous deux armés et il n'est pas conseillé de se frotter à eux. Totov 76 tient le fameux sésame entre ses mains. Il promet que c'est la seule et unique. Le ravisseur lui dit qu'il le sait. Il sait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sait. Toutes les frappes effectuées sur son clavier d'ordinateur, de tablette et de téléphone sont enregistrées. Même la machine à écrire datant du siècle dernier est mouchardée. Romain est médusé. Totov 76 déclare forfait dans son combat contre la Yeh Sports Fédération. La disquette est posée au sol, la dulcinée du Normand est lâchée. L'échange est effectué. Les espoirs de voir la justice rendue ont été brûlés. Mais la famille de Totov 76 est saine et sauve. C'est apparemment le principal. Les 3 Français sont dans la voiture pour rentrer au foyer. Arrivé à bon port, Romain demande à Totov 76 quelle est la suite des événements. Alors qu'il pense rentrer en Belgique, l'ancien capitaine des Bleus lui dit qu'ils ont un titan à faire tomber, que la lutte continue. Mais sans la disquette, sans l'épreuve, leurs chances sont réduites à néant. Totov sourit et dit qu'il a tout gardé. Mais par quel moyen? Chapitre 105, intrusion. Alors que Totov Hack 76 a livré sa disquette, qui fâche, à la Yeh Sports Fédération, Romain se demande comment ils font pour pouvoir récupérer toutes les informations. Le maire de Saint-Martin-de-Beaucherville est bien plus malin qu'eux. Il n'a pas confiance aux nouvelles technologies qui peuvent traquer chacun de ses écrits. Alors il fait appel à un autre ami, le stylo. La nuit, il réécrivait tous ses dossiers sur des feuilles de papier qu'il gardait dans ses poches. Personne ne peut savoir qu'il a ceci. Personne ne peut savoir ce qu'il a écrit. Et surtout, personne n'a pu trouver ces précieuses feuilles. Contre-pied parfait de Totov 76. Romain est impressionné par la perspicacité de son nouvel ami. La soirée se poursuit et les investigations continuent. On finalise les derniers détails pour faire le casse du siècle, prévu le 12 janvier 2055. Tous les matchs mis en cause sont couchés sur le papier afin de pouvoir faire les révélations en direct. L'idée du e-book sur le net a été abandonnée car il ne resterait que quelques secondes en ligne. L'intervention aura lieu en direct pendant la cérémonie d'ouverture. La censure ne pourra pas être assez réactive pour pouvoir faire taire les deux Français. Tout est prêt pour organiser les Sublime EA Games, mais tout est également préparé pour les gâcher. Après une nuit blanche, Romain va à la porte d'entrée pour la verrouiller. À peine la clé tournée, on entend un coup de feu. La balle a traversé la porte blindée du domicile de Totov 76. Heureusement, personne n'est blessé, mais cette balle aurait pu toucher quelqu'un. Le calme est revenu dans la maison après un énorme coup de stress. C'est à ce moment que les trois habitants entendent que quelqu'un porte des coups violents dans la porte. On dirait un défoncement au bélier. Après seulement 4 coups, ça vole en éclats et 8 hommes encagoulés surgissent dans le salon des deux Français. Les intrus savent que les deux trouble-fêtes n'ont plus besoin de quelconque papier, tout est dans leur tête. La vraie menace, ce sont les cerveaux de Totov 76 et Romain. Les deux Français sont plaqués au sol, pendant que la seule présence féminine est isolée dans la chambre. Les assaillants parlent avec un français approximatif, et toujours cet accent d'Europe de l'Est. Il est demandé à Romain et à Totov 76 de rester calme. Ils vont aller dans un endroit sûr, sans danger, et ce jusqu'à la fin des EA Games. Ils savent tout ce qui se passe dans cette maison. Ils connaissent tout ce qu'ils ont en tête. En les éloignant de l'île de Pâques jusqu'en juillet, ils ne gâcheront pas la meilleure des compétitions dans l'histoire du sport. Aucun mal ne leur sera fait s'ils restent tranquilles. Ils auront même le luxe de pouvoir suivre l'intégralité des EA Games dans leur cellule. Pendant que la femme de Totov 76 est tenue prisonnière dans sa chambre, les deux gêneurs sont emmenés dans le fameux Homer. Ils sont ensuite endormis, car ils ne seront pas transportés qu'en voiture. Un avion est affrété spécialement, et en toute discrétion pour leur voyage. Leur séjour de 7 mois sera en compagnie de 4 personnalités. Ceux-ci ne cachent pas leur identité. Nous avons Oleg, ancien joueur de football, Bogdan, ancien athlète roumain, Chintaras, ancien rugbyman lituanien, et Walter, homme d'affaires belge. Ils seront les seuls contacts humains de Totov 76 et Romain durant ces 7 prochains mois.